Thank you. Tellement sommaire que je sais pas y jouer. Le bon. Version. Une autre version. Ah, bah, une version plus facile. Alors, ils en sont piqués. Capo 2. Sol. Clapton aussi, version. Alors là, c'est différent. Oh, lui, il l'a emmené. Hein. Et il joue quoi? Merci. Alors attends, j'ai un truc où il y a les accords. J'ai trouvé un site où il y a les accords, ça change rien. Tu tapes le truc et il y a l'accord qui se met. De ça, moi. Donc avec ton truc, après je vais voir. Tac. Plus ça, c'est ça? C'est ça, hein? En tout? Ah. Des 7. Ah, c'est pas pareil, là. Celui-là? C'est un La majeur 7 ou un La 7 en premier? La majeur 7 ou La 7, ça fait pas là. Mais c'est pareil. La mineur 7. La 7. Ah non, c'est pas pareil. Après... Alors le La majeur 7, c'est le fond de mi reçu. Ah, super, je mets le truc, le site il marche plus, échec ou téléchargement. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là, c'est quoi ce site pour lui? G majeur 7, ça serait avec les doigts. Tordre les doigts. Thank you. sur Java. Ça y est, je suis en train de mettre à jour. J'ai accepté, j'espère que j'ai pas fait un mal. J'ai déjà fait. Ici ouvert. Putain, je veux pas les barres d'outils, merde. Impossible d'ouvrir ce package d'insertion. Panneau de config, bon. Panneau de config. Moi j'ai pas de configuration. Ah, Java. Afficher, gérer les versions. Alors j'ai la version 1.7.0.45. Rechercher une version. Thank you.